Vous êtes sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idée. Et aujourd'hui, nous recevons Nadine Faure et Frédéric Brunet de l'association Agir contre la fibromyalgie qui se trouve à Cabrières-d'Amision. Alors bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour. Nous avons Linda qui a ce symptôme, qui nous en parlera. Bonjour Linda. Bonjour Josie. Claudie, pardon. Oh là là, c'est le jour... Oh non, aujourd'hui. Les prénoms, c'est grave. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est comme c'est ça. Bonjour Josie. Bonjour tout le monde. Bonjour notre technicienne Monique. Bonjour Claudie, bonjour les invités, bonjour à toute l'équipe. Voilà, merci. Bonjour Alain, notre chroniqueur littéraire. Et bonjour tout le monde. Merci. Voilà, et avant de faire une pause, nous avons deux places à gagner au Théâtre du Sablier pour un spectacle qui s'appelle Le Voyage de Benazar. Alors c'est dimanche 14 mai à 17h, hein. C'est au Théâtre du Sablier à Orange, avenue Aristide-Briand. Et par la compagnie L'Entreprise. Alors si vous voulez gagner, vous mettez un petit mot sur notre page Facebook et je téléphone à la dame qui s'en occupe et vous allez voir un spectacle. Moi j'y suis allée déjà et c'est super. Voilà, on se fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Play FM, le meilleur des meilleurs. Sur Play FM et aujourd'hui nous recevons Madame Faure qui est la présidente d'une association qui s'appelle Agir contre la fibromyalgie et qui se trouve à Cabrières-les-Avignon. Donc votre association, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Elle existe depuis longtemps? Oui, bonjour, elle a été créée le 1er juillet 2014 sur Cabrières-d'Avignon Nous avons des membres actifs, on est tous bénévoles. Moi, je suis la présidente et avec moi aujourd'hui, j'ai l'adjointe qui me représente, qui est Frédéric Brunet. Et nous avons également des ambassadrices pour la Drôme et l'Ardèche, qui sont Nathalie et Gwendoline. Moi, j'ai vu que vous aviez une antenne à Châteauneuf-du-Rhône. C'est récent ? Tout à fait, tout à fait. Ça va faire maintenant plus d'un an que l'antenne existe. Et grâce à Nathalie, qui nous représente en tant qu'ambassadrice. Et pourquoi vous avez créé cette association ? J'ai créé cette association parce que moi-même, je suis atteinte de la fibromyalgie. Donc je connais bien cette pathologie et pour moi je la connais bien. Par contre, c'est une maladie qui est très mal connue, qui aujourd'hui n'est pas reconnue. Elle est reconnue par l'OMS au niveau national depuis 1992, mais elle n'est pas reconnue, elle est mal connue surtout et mal comprise. Donc voilà pourquoi moi j'essaye de me battre pour aider les personnes qui ont le même syndrome que moi, le même problème, car on rencontre des difficultés pour se soigner et des difficultés pour être comprise surtout. Et je pense que ça isole beaucoup. Ça isole, ça met en retrait au niveau professionnel, au niveau privé. Certaines personnes perdent leur travail, elles peuvent perdre un mari, elles peuvent perdre une femme. Donc voilà, parce que vous savez, quand vous avez mal tous les jours, quand vous souffrez tous les jours, que vous ne savez pas comment faire, au bout d'un moment, le conjoint ou la conjointe, ils en ont un peu marre. Hein. Voilà. Parce que je pense que c'est une maladie qui est difficilement... on n'arrive pas à la reconnaître. On n'arrive pas à la reconnaître. Aujourd'hui, les spécialistes, les médecins ne comprennent pas. On n'arrive pas que ce soit au niveau des radios, que ce soit au niveau biologique. On n'arrive pas à savoir, on n'a pas de marqueurs qui nous disent exactement ce qu'on a. Donc, les médecins sont impuissants. Donc, on se tourne vers un psychiatre. Et c'est très difficile parce qu'on n'est pas fou, on n'est pas folle, qu'on le veuille ou non. Mais par contre, on souffre. Donc, aujourd'hui, par contre, la seule chose qu'on peut savoir, c'est que c'est un dysfonctionnement des neurotransmetteurs. Ça, c'est sûr. Mais par contre, voilà, il faut connaître la cause. Et ça touche quel genre de public ? Enfin, alors, si on peut dire aujourd'hui, public. Ça touche entre 4 et 6 % de la population française, sachant qu'il y a 80 % de femmes. Oui, continuez. Et sachant qu'il y a aussi des enfants qui peuvent être touchés. Oui, ça c'est extraordinaire. Enfin, dans le sens désespérant, quoi. Tout à fait. Bon, et les enfants, excusez-moi, juste une petite question. Les enfants, c'est à partir de quel âge que le plus sur ta... Donc les enfants, on ne peut pas dire l'âge. On ne peut pas. C'est des ados et des enfants. D'accord. On va faire une Merci. Petite pause et on reprendra le sujet tout à l'heure. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouvelle Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. I'm from the darkness, was a man, he was out of control. In his eyes the spark that blows in flames, his corrupted sword. I shook hands with the devil, he said, posing in the living room. I soon make up for the storm, he said, but now you should be living soon. I should make it for the last time, he said, you know you should. 89.9 avec l'association Agir contre la fibromyalgie qui a été créée le 1er juillet 2014. On est avec Nadine et Frédéric. Et évidemment, comment ça se diagnostique et quels sont les symptômes de cette maladie? Alors bonjour tout d'abord à tous. La fibromyalgie, tout d'abord, c'est une maladie donc chronique avec des douleurs diffuses de partout, des brûlures qui vont de la tête aux pieds. On a mal tout le temps, on a des douleurs musculaires, articulaires assez intenses. Et du coup, on va aller voir son médecin généraliste, on va lui expliquer. Il va y avoir des examens qui vont être faits, il va y avoir le médecin qui va renvoyer vers un rhumatologue, il va y avoir des prises de sang, il va y avoir des radios qui vont être faites. Et puis en fait, on peut dire qu'on va faire quelque part un diagnostic par élimination dès l'instant qu'il n'y a rien dans les prises de sang, dans les radios ou autres, et qu'on arrive à être finalement dirigé vers soit un rhumatologue, soit vers un algologue. À ce moment-là, on peut peut-être avoir un diagnostic grâce aux, on va dire, les 18 points. Les 18 points, ce sont des palpations qui sont faites à certains niveaux du corps. Et si le patient réagit, c'est qu'à ce moment-là, il a une fibromyalgie. Voilà, alors après, donc c'est vrai qu'à ce jour, donc il n'y a pas d'examen biologique ni rien qui peut déterminer, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament qui peut permettre d'aller mieux, mais on peut essayer d'y remédier de par des exercices et être soulagé par différentes façons. On va demander à Linda son ressenti, comment c'est arrivé, comment s'est déclarée sa maladie et qu'est-ce qu'elle fait pour la combattre. Donc moi, la fibromyalgie, elle s'est déclarée en 2009. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, pas du tout. Après une hospitalisation suite à une fracture, donc pendant un an, j'ai été voir mon médecin traitant. J'ai répété tous les mois la même chose. J'ai des douleurs, j'ai mal. Je dors mal, je suis fatiguée. Et chaque fois, j'avais la même réponse. Mais vous savez, tout ce que vous avez eu. J'ai effectivement cassé le pied, cassé le fémur, donc la jambe, si vous voulez. Mais j'avais des douleurs dans les mains, dans les bras, dans les coudes, dans les épaules. Donc, à fur et à mesure, j'ai pris un agenda et j'ai commencé à marquer jour par jour, heure par heure, les problèmes que j'avais. Et après un an, j'ai été voir mon médecin, que je voyais une fois par mois, parce que j'ai d'autres problèmes à côté. C'est important quand même de le signaler, qu'on n'a pas que la fibromyalgie, on a d'autres pathologies à côté. Et lui, il m'a donc envoyé, après, donc, quand il a vu le retour de l'agenda de mes souffrances, il m'a envoyé au service algologie à Avignon, où j'ai été diagnostiquée. D'accord. On va faire une pause et après on dira qu'est-ce que vous faites pour combattre ces voilà. douleurs. Hein, oui, tout à fait, voilà. Pas de souci. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. revenu sur Play FM avec l'émission sur la fibromyalgie, avec l'association Agir contre la fibromyalgie. Et Linda nous décrivait son parcours. Donc, qu'est-ce que vous faites, Linda, pour vous soulager, puisqu'il n'y a pas de médicaments? C'est une maladie qui n'est pas psychosomatique et qui est une maladie orpheline. Alors, quels sont les moyens? Tout à fait. C'est important de vous le répéter, que ce n'est pas si psychosomatique, pardon, mais qu'on peut se soulager, on ne peut pas guérir. Je n'ai pas la prétention de dire ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas guérir de la fibromyalgie, on peut se soulager. Et par quel moyen? Comment se soulager? Moi-même, j'ai fait des séances de kinésithérapie douce, c'est important de le dire, de balnéothérapie, de médecine chinoise. J'ai été soignée aussi par une guérisseuse et actuellement par un guérisseur. Donc, pourquoi pas? Je ne rentre pas dans les détails, mais peut-être qu'il y a quand même une solution là-dedans. Sinon, il y a la sophrologie, il y a plein d'autres thérapies alternatives. Moi, j'ai une question pour toi, Linda. Ça a quand même un prix, parce que toutes ces médecines parallèles, excuse-moi, mais ce n'est pas reconnu par la Sécu, donc ça veut dire qu'il faut mettre la main à la poche, et ce n'est pas toujours facile pour les personnes qui ont cette maladie. Tout à fait. C'est le problème de beaucoup de malades, et c'est pour ça que souvent, on rentre dans un isolement total, parce qu'on est laissé seul devant ce mur de douleur, parce que c'est ça en fait. Comment faire? Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y a des associations comme Agir. Il faudrait que ce soit reconnu. La fibromyalgie, mais c'est le but. Notre but aujourd'hui, c'est on est ici parce que le 12 mai c'est la journée nationale. Oui, on en parlera. De la fibromyalgie. Mais il n'y a pas qu'un jour dans l'année, il y en a 365. Et Nadine, qu'est-ce qu'elle fait pour se soulager ces douleurs? Moi-même, je suis un petit peu comme Linda, oui, tout à fait. Ces maladies parallèles, cette médecine parallèle, ça a un coût. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai essayé la sophrologie, l'hypnose, la méditation, la relaxation. Et c'est vrai que, par contre, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester isolé. Il faut bouger aussi. Moi, je suis bien accompagnée, donc j'ai un époux qui me comprend et qui m'écoute. Et surtout il faut bouger, même si vous faites que 100 mètres, mais aujourd'hui on fait 100 mètres, demain on en fera 150 et ainsi de suite, mais ne pas rester sur un fauteuil, parce que justement de rester assis et de ne pas bouger, on a mal certes, mais ça fait rien, il faut aller de l'avant. Et toutes ces maladies parallèles nous aident. Ouais. Effectivement, il faut en fait avancer dans la douleur, ce qui n'est vraiment pas évident. Et les personnes qui vous entourent peuvent justement vous aider à avancer dans la douleur. Moi aussi, je suis accompagnée. J'ai la chance d'avoir mon mari, Thierry, mes enfants, Laureline et Anthony qui sont là pour moi. Enfin, quand je vais faire les courses, parce qu'effectivement, aller faire les courses, c'est compliqué. Le quotidien est très compliqué. Donc, être aidé est très, très important. D'où l'association qui a été créée par Nadine pour justement donner des solutions. Parce que c'est comme un puzzle, il faut savoir mettre les pièces au bon moment et au bon endroit. D'accord, on va faire une petite pause et après on parlera de la journée du 12 mai. Fly FM. Fly FM. Fly FM. Souvenez la radio. Que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Del pasado, canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ando lo muy desesperado, buscaré tu amor. No me dejes en esta soledad, te pido. Nada te digo, vuelve conmigo. Si tú me llamas, te juro que para allá voy. Quiero verte ya, ya no aguanto más. Quiero darte calor, solo una vez más. Ya no aguanto más, quiero verte ya. Oh, yo no te miento. FM 89.9 avec l'association Agir contre la fibromyalgie, et je pense qu'on a une petite précision à faire en ce qui concerne la fibromyalgie. Il y a souvent une maladie en parallèle. Oui, effectivement. Voilà. Oui, effectivement, nous avons au sein de l'association fait des petits questionnaires, et on s'est aperçu que toutes les personnes de l'association n'avaient pas que, entre guillemets, la fibromyalgie. On est toutes atteintes de d'autres maladies. D'ailleurs, la fibromyalgie, qui est une maladie orpheline, quand on dit orpheline, ça ne veut pas dire seule. Une maladie orpheline est toujours accompagnée d'une deuxième, d'une troisième, voire plus peut-être. Mais dans tous les cas, elle est orpheline, elle est rare aussi, il n'y a pas de traitement. Mais on peut être traité pour les autres maladies, qui peuvent peut-être agir aussi sur la fibromyalgie de par des antidouleurs ou autres, mais ça ne soigne pas la fibromyalgie dans tous les cas. Aujourd'hui, je peux dire qu'on ne guérit pas d'une fibromyalgie, ça non. C'est sûr. On peut être soulagé, mais on ne guérit pas d'une fibromyalgie. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à gérer ça, cette pathologie. Alors c'est vrai qu'il y a, vous avez d'autres pathologies à côté, comme le dit Frédéric. C'est vrai que déjà, si on arrive à soigner ça, la fibromyalgie, on peut avancer. Il faut surtout pas rester isolé. Il faut avancer, il faut bouger, et il faut... On a mal, certes, mais bon, il faut essayer par d'autres méthodes parallèles de vous aider pour et ne pas rester isolé. Voilà, essayer de se faire plaisir par des petites choses au début. Mm. Bon, écouter la nature, aller dehors, ne serait-ce que 10 minutes, et puis le lendemain, un quart d'heure, petit à petit. Essayer de lire quelque chose d'agréable, faire quelque chose qui plaît. Voilà, et pour essayer de sortir de son isolement et petit à petit reprendre contact avec l'extérieur. Et vous pour ça qu'en parlant d'isolement, si vous pouviez nous donner votre numéro de téléphone, comment on peut vous contacter. Vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone au 07 71 25 48 23. Vous avez également une adresse mail qui est... notre adresse mail vadfibromyalgie@orange.fr, et nous avons une page Facebook qui est Agir contre la fibromyalgie. Donc vous avez toujours moyen de nous téléphoner si vous avez besoin de questions, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de renseignements. Si on peut les donner, on vous les donnera. Et puis de l'aide, de l'écoute, voilà, on est là pour ça, puisqu'on peut vous comprendre, on peut vous comprendre. Bien sûr, moi, c'est très important. Une petite chose que j'aimerais bien rajouter, c'est que le gros problème de la fibromyalgie, c'est doser nos efforts, parce qu'on ne sait pas les doser. Donc ça, c'était important, ouais. Doser, mais aussi se reposer et rester en mouvement. Ah, gérer sa douleur. Tout à fait. Comme dit Linda, un jour, vous avez des journées où on va passer une journée qui va être très bien. Ouais. Donc là, vous allez faire le ménage à fond dans la maison, les carreaux. Et le lendemain, vous êtes couché pendant 3 jours. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc si vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, on en fait un peu et on fait un peu plus demain. Mais pas tout le même jour. Voilà, on va faire une petite pause et après, on parlera de cette journée du 12 mai qui est importante. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Cause I'm all that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon appétit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven. Melting your mouth, kind of loving. Bon appétit, baby. Revenu sur Fly FM 89.9 et nous étions en train de parler avec Frédéric et elle voulait nous dire qu'il y avait un parrain, leur association avait un parrain. Oui, nous avons un parrain qui s'appelle Laurent Barra qui a gagné le Printemps du Rire l'année dernière et qui est passé sur Avignon au festival. Nous avons aussi un partenaire Digital Painter qui s'appelle Antoine Palazon avec qui nous travaillons pour nos affiches et puis nous avons aussi en vue de faire une chanson avec Jean-Luc de Pernelly-Fontaine. Voilà. Ah, mais c'est bien. Et je voulais parler de cette fameuse journée du 12 mai. Alors c'est 12 mai, si on faisait un peu d'historique, pourquoi le 12 mai? Alors le 12 mai parce qu'il y a une Anglaise, Florence Nightingale, qui a exercé le métier d'infirmière. Ouais, donc elle a contracté le syndrome chronique, le syndrome fatigue chronique et la fibromyalgie à l'âge de 35 ans. Et donc, en quelle année? En 1820. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle est à l'origine également de la fondation de la Croix-Rouge internationale. Donc, c'est une personne qui a fait de la résistance et qui a lutté contre toutes les contre la maladie et qui s'est battue jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça... Voilà, et j'ai beaucoup... Lors de la guerre. C'est pour ça que le 12 mai, ils ont voulu marquer cette journée mondiale de la fibromyalgie pour sensibiliser le combat, la reconnaissance, la connaissance et de la fibromyalgie. Donc voilà pourquoi on a mis le 12 mai. Voilà. Elle a fondé la première école d'infirmières. Oui. Et elle a fondé la première école d'infirmières. Elle est connue. Elle est très connue, elle est très connue. Oui. Donc aujourd'hui, le 12 mai est une journée mondiale de la fibromyalgie. Alors aujourd'hui, cette année, le 12 mai tombe un vendredi. À Paris, il y a une manifestation qui se fera le 13 mai. Par contre, nous, l'association Agir contre la fibromyalgie, nous vous proposons le 14 mai une journée pique-nique au partage des eaux à l'île sur la Sorgue à partir de midi. Donc vous pouvez venir nombreux avec votre pique-nique. L'association offrira l'apéritif. Voilà, donc on va passer une journée de convivialité, une journée de détente, de rire et de partage. Et de pouvoir parler. Oui, c'est ouvert à tout le monde. On vient avec son pique-nique, une chaise longue ou une chaise, mais il y a des bancs, il y a des tables, voilà, de façon à passer une journée en espérant qu'on aura le beau temps avec nous. Voilà. Et votre association, est-ce que vous cherchez des bénévoles? Ah oui, c'est ça, c'est des bénévoles et on en manque, on en a besoin. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des bénévoles sur la Drôme et l'Ardèche. Oui, sur la Drôme et l'Ardèche. On cherche d'autres bénévoles qui peuvent nous aider. Frédéric fait un travail au niveau de la relation, au niveau de trouver des sponsors. Nous avons également d'autres personnes qui sont aujourd'hui adhérentes à l'association, qui trouvent, qui font la relation de presse. Mais bon, voilà, on a besoin de bras, on a besoin de gens qui peuvent nous aider, ne serait-ce que quand on fait des réunions, il faut qu'on se déplace avec tout ce qui est le café, les affiches, voilà, on a besoin de monde. Vous avez un siège social, vous avez un endroit où vous réunissez? Le siège social est à Cabrières d'Avignon, au 3207 chemin des Parties, mais par contre nous avons la mairie de Cabrières qui nous prête bénévolement leur salle, la salle des associations, donc on fait des réunions là. Mais et ensuite, concernant les réunions, d'ailleurs nous avons créé un groupe de parole pour les personnes qui accompagnent les fibromyalgiers, voilà, qui est géré par Anou, et je pense que c'est important de le dire. Bon, voilà, on va se quitter, mais à la fin de l'émission vous redonnerez votre comment on peut vous contacter, hein? D'accord, voilà, très bien, à tout merci. À l'heure Fly FM, le meilleur des hits. Voilà, revenu sur Play FM 89.9 avec Alain qui va nous parler d'un livre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de La fille d'avant, de J.P. Delaney, aux éditions Mazarine. Alors, c'est une situation que tout le monde a connue, la recherche d'un logement. On cherche, on trouve, il est trop grand, il est trop petit, il n'est pas bien placé. Ça ne correspond pas à ce qu'on cherche, on finit par désespérer. Alors là, c'est Jane qui, après un drame éprouvant, elle cherche à tourner la page et pour cela, donc, elle cherche un nouveau logement. Après un certain nombre de visites peu satisfaisantes, elle va découvrir le One Folgate Street. Elle est conquise. C'est une maison ultra moderne, un chef-d'œuvre de l'architecture minimaliste, connectée, parfaite, et qui miraculeusement entre dans son budget. Alors là, c'est bizarre quand même. Hein. Quelque chose aussi beau, elle se croit comment entrer dans une page de magazine et ça rentre dans son budget. Mais il y a quand même des clauses. L'architecte Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant, a posé des règles très draconiennes. Il faut, par exemple, répondre régulièrement à des questionnaires qui sont déconcertants et un peu intrusifs. Peu à peu, donc Jane acquiert une inquiétante certitude. La maison est pensée pour transformer celui qui y vit. Et elle va se demander qui habitait là avant moi, parce que moi, je ne suis pas la première. Et elle s'aperçoit que celle qui la précédait, Emma, a eu une fin tragique. Alors les chapitres se croisent. Un coup, c'est Emma avant, un coup, c'est Jane après. Et on s'aperçoit que les deux routes se suivent. Elles rencontrent les mêmes personnes. Elles vivent les mêmes terreurs. Est-ce que pour la fille d'aujourd'hui, ça va se terminer comme pour la fille d'avant? Ça se passe en Angleterre ou aux États-Unis? Ça se passe à Londres. D'accord. Or, c'est un thriller déconcertant, mais sur la manipulation psychologique. Ah. Et je dirais, par certains côtés, ça rappelle un peu Sliver d'Ira Levin. On avait fait un film qui était dégueulasse. Mais souvent. Le bouquin était formidable par lui-même. Donc, c'est... J'ai une manipulation, est-ce la maison qui est hantée ou est-ce que c'est le constructeur qui est hanté? C'est pas mal. Ah oui, oui. On le finit vite. Oui. 432 pages. Pour Josie, on se fait une petite pause et après on dira un film que Josie va nous présenter. A tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Somebody gave you a gun, look just like the sun, shine so bright with its blinding light, and you never saw it come. Now you're just like a fallen angel crying in the rain, yeah. Trying stop the pain. begun. You're not the only one. Love can lift you up and bring you down, down, down. Now you're wondering why it hurts. Oh, c'est la vie. Sometimes you gotta let things be. To give advice, 'cause I've been hurting. Oh, yeah, I know what it's like. I know. Whoa, c'est la vie. Sometimes you gotta let things be. Yeah. You can fight if you want to, but there's nothing you can do. Let it go, and don't set you. Donc voilà, revenu sur Fly FM 89.9 et nous allons faire un petit tour au cinéma. Oui, on va faire un petit tour au cinéma avec un film qui s'appelle De toutes mes forces de Chad Chenouga avec Yolande Moreau qui est Madame Cousin et Khaled Alouache qui est Nassim. Alors Nassim, eh bien, il vient de perdre sa maman qui s'est suicidée. Personne dans son lycée UP ne doit le savoir parce qu'il en a honte. Malheureusement, sa mère était malade, droguée et sa vie de lycéen a basculé. Alors il... Qu'est-ce qu'il y a, Claudie ? Je croyais que tu voulais me dire quelque chose. Donc, sa famille proche ne veut pas le pendre et il est pris en charge par Madame Cousin, qui est Yolande Moreau, qui l'accueille dans son foyer de jeunes. Et là, il ne veut pas s'intégrer au groupe. Il s'enferme dans son chagrin, ses notes dégringolent, et il tente de faire le mur pour retrouver sa petite amie à qui il a caché cette vérité qu'il a honte. Et là, Madame Cousin, elle va essayer de lui faire remonter la pente parce qu'elle ne comprend pas son attitude. Elle va essayer de comprendre pourquoi il est comme ça. Donc, malgré un titre qui est plat, nous avons un film qui est tout le contraire, qui est dur, ardent et mené par un réalisateur qui est remarqué, qui a été remarqué avec son premier long métrage. Malheureusement, je ne vois pas ce que c'est, mais bon, s'il y en a qui connaissent, c'est 17 rues bleues et avec un sens étonnant de rythme et d'authenticité. Et là, le scénario tient à son héros, qui est évidemment Khaled Alouache, qui rien que par son physique évoque un personnage de Balzac. Alors, c'est un film... il faut préciser que Khaled Alouache, qui est Nassim, ne méprise pas la bourgeoisie. Au contraire, il voudrait en faire partie, mais il ne sait pas comment il faut faire. Qu'il aimerait quitter ce milieu et s'élever dans l'échelle sociale. Ainsi que sa copine qui fait des études de médecin, qui ne le comprend pas puisqu'il est en train de lâcher les études. Et il faut savoir que le réalisateur, Chad Chenouga, a signé aussi ce film en fonction de aussi une partie de... C'est un peu autobiographique. Donc voilà, c'est un film lumineux avec une actrice, Yolande Moreau, qui est la directrice du foyer, qui joue un rôle très bien. Ah ouais, c'est un personnage, hein. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire à d'autres ? Et elle lui dit même dans ce film, si tu étais moins jeune et moins con, je t'épouserais. Excusez-moi pour le gros mot, hein. Oh bah écoute, ça se fait maintenant, hein, d'avoir une femme plus vieille. Hein. Donc elle va essayer de le sauver de toute cette situation. Voilà, un beau film à voir. Après, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de dire que la SEL de Monteux, c'est l'association Culture et Éducation, fait sa vente de livres dimanche de 9h à 12h, boulevard Bellecroix. Et en plus, le jeudi 18 à 18h30, il y a la dictée au château d'Eau. Donc, je pense pour les bons orthographes. Voilà, ça ferait du bien à beaucoup de petits gamins qui ne savent pas écrire un mot. Oui. Allez, à tout à l'heure. Oui, bonjour Fly FM 89.9. Cody, après le film et le livre, je pense qu'on a des sorties ou des propositions de loisirs pour le week-end. Oui, moi je voulais vous amener, vous savez, avec les petits, des fois on ne sait pas trop où les amener. Ils n'ont pas l'habitude de toucher la terre, de toucher les plantes. Donc à l'Épicurium, c'est la fête du printemps. Donc c'est la 7e édition. L'Épicurium, c'est limite Montfavé Avignon. On y est déjà allé, c'est super, il y a des animaux, voilà. Et c'est un grand week-end convivial et c'est placé sur le signe des herbes sauvages, du jardin, de la nature. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, pour les enfants, pour les plus vieux. Donc il y a le nouveau jardin des plantes médicinales, la cuisine des plantes sauvages, c'est intéressant, une mini-ferme avec animaux à caresser. Alors je ne sais pas si les animaux ils sont mini comme la ferme, ou c'est que la ferme qui est mini. Un atelier petit chef avec confection de smoothies de saison. Ça, c'est bien de manger selon la saison. Voilà. Un marché producteur locaux. Une dégustation de préparation à base d'oignons doux du Cévennes. Voilà. Toutes ces animations et ateliers se déroulent le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h30 sans inscription. Les animations sont gratuites avec le prix d'entrée, bien sûr. Et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Alors l'adresse, c'est 100 rue Pierre Bayle, Avignon, mais c'est limite Montfavé. Et le contact, c'est contact@epicurium.fr. Voilà. Passez un bon moment avec les enfants. Dans la nature. Oui, c'est un parc. Hein. Oui, mais ça fait courir les enfants. C'est sympa. C'est et ça les dégourdit. À toi. Oh ben moi, ça va être plus calme, puisque si vous voulez voir une exposition de peinture, il y a le rendez-vous de la galerie éphémère qui ouvre ses portes le samedi 20, j'y pense un peu plus tôt, 20 et 21 mai à la salle des expositions à Sarrian. Et vous avez des gens qui exposent, si vous aimez. C'est des peintures ? Oui, c'est des peintures. C'est un monsieur qui m'a demandé d'en parler, bien sûr. Très gentil. Alors j'ai dit, je le fais sans problème. D'accord, ben on se fait une petite pause et après on parlera, on verra, de la Légion d'Arles, ou on verra. Ou de sport. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Y'a pas de doute à avoir, c'est plus la même histoire. Cette confiance au premier regard, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en dit. Y'a plus rien à comprendre, et tout à espérer. Alors on croise les doigts et on se met à rêver. C'est comme si c'était dit. Et même si on croit plus en rien, bah c'est toujours ça de pris. Y'a des sourires au coin, mais là j'ai choisi de prendre les armes. Non, j'irai pas en enfer. Tout est clair, on a chacun nos rôles. Tout c'est clair, chacun ses idées. besoin de se taire. On n'ira pas en enfer. Fly FM 89.9. Claudie, qu'est-ce que tu nous annonces comme petite sortie là? Eh ben, je crois que c'est Monique qui nous a emmené sur les pentes du Vaucluse. Voilà, les pentes du Vaucluse, les pentes du Vaucluse. Là, je vous emmène un petit peu également dans les Bouches-du-Rhône. Ah. Donc, je vous propose le dimanche 14, il y a la Rustrelienne. C'est une course qui se passe dans le Colorado, donc dans les ocres du Colorado. Oh, ça doit être très beau. C'est une merveille. Et vous avez trois distances, un 8 km, un 13,5, un 25, un 23, là c'est le trail des bosses, et un kilomètre pour les courses enfants. Donc celle-ci, elle est particulièrement magnifique. Vous avez également le Paradou dans les Bouches-du-Rhône. Ça s'appelle la Run Alpille. Elle est très belle également, principalement des sentiers. Vous traversez les Baux de Provence et la Émossanne. Donc voilà, c'est un endroit qui est exceptionnel. Moi, je trouve que les coureurs à pied se trouvent de jolis coins. Ah oui, franchement, à faire. Et vous avez également à Susclin, donc c'est également dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez un 13 et un 26 km. Ce sont deux parcours qui sont magnifiques, avec 80% de sentiers en monotrace. Du sous-bois, du sable, des cailloux, etc. Voilà, ça c'était pour la sortie sportive course à pied. Je vous propose également une sortie, mais là c'est du VTT à Uchaud, la randonnée des déjantés. Rien que le nom, je pense que voilà, il faut s'accrocher. Vous avez de 18 à 58 km. C'est un circuit commun de 18 km avec 4 boucles, 6, 11, 13 et 18 km. 58 km ? De 18 à 58, comme c'est des boucles, ben, tu peux t'arrêter. Ah ouais, parce que 58, c'est costaud. Hein. Oui, tu peux avoir plus grand aussi, mais bon là, c'est pas mal. Et vous avez également une rando pédestre, c'est pas mal, à Uchaud, c'est magnifique également. Vous avez un 8 et j'ai un 15 km. Voilà pour les sorties sportives d'aujourd'hui, c'est ce week-end, dimanche 14 mai. D'accord. Donc, pardon, quoi ? Il doit faire beau parce que c'est la pluie, mais apparemment maintenant c'est un changement. Oui, ben ça change tout le temps. Donc je vous signale que cette émission est terminée. Donc nous nous retrouvons, alors vendredi c'est une rediffusion de 14h à 15h. Mercredi prochain, nous serons déjà le 17 mai et nous recevons l'association Le Refuge que nous avions déjà reçue parce qu'il y a, je crois... Une nuit blanche. Voilà, donc nuit blanche. Et puis ils ont besoin aussi de bénévoles, exactement, de soutien. Nous allons rappeler également l'association, leur numéro de téléphone. Je vous laisse le micro. De l'association, c'est le 07 71 25 48 23. Et je crois que vous avez une page Facebook. Page Facebook, et nous avons également un mail qui est vadfibromalgie@orange.fr. N'hésitez pas à nous appeler, venez nombreux, on a besoin d'aide et on a besoin de sponsors également. Et vous avez un pique-nique le 14. Et on a un pique-nique le 14 mai au Partage des Eaux à l'Île-sur-Assorgue. Et c'est ouvert à tous. Et c'est ouvert à tous. Voilà. Prenez votre chaise de camping pour passer un bon moment. Oui, une couverture. Si vous et concernant la page Facebook, c'est Agir contre la fibromyalgie, VAD, qui veut dire Vaucluse, Ardèche, Drôme. Voilà, mais écoutez, en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci bien. Au revoir. Merci. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bye bye.